Viens. Je t'adore. Je te caresse, Lucie. Vous savez, un soir, juste le premier soir de la naissance d'Orchestre Kungunga, il était apparu une belle, ravissante, jolie femme qui s'appelait Lucie Botan. Vraiment, j'étais étourdi devant cet amour. Quand je suis rentré chez moi, seul, je tournoyais de gauche à droite sur mon lit. Je faisais frôler mes mains sur mes oreillers, cherchant Lucie. Or qu'elle n'était pas là et j'étais seul. Mon cœur, inondé de chagrin, des soucis, était brisé, effondré et blessé. Lucie chérie, baptisée Paulie, que je t'adore, ma fleur d'amour, l'homme mauvais de gris, je te caresse. Lucie chérie, baptisée Paulie, que je t'adore, ma fleur d'amour, l'homme mauvais de gris. Laissez-moi pleurer, car je suis plein d'amour. Qu'est-ce qui pourrait me défendre et tomber à l'agonie, s'il en faut. Mais, chérie, reviens, allez, reviens à moi. Vite, reviens, reviens. Allez, viens, viens, viens, viens, viens. Viens faire de merveilles dans mes amours. Mama. ma bande, y'a moi la maman. La belle anga soke za linyongo, bongo na futa. Bongo linganga, mama nawe. Nawe na ma bande. Soyo no tengo nuevo, que ida baila la río. Tu ritmo africanazo, senora suena, suena. Yo soy yo no tengo nuevo, que ida baila la río. Tu ritmo africanazo, senora suena, suena. Mama, mama, balele, mama, mama, balele. Patrona de la música. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, mi pequeña. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, mi pequeña. Grande bigote, está el hombre de San Cristina. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, mi pequeña. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, mi pequeña. Linde asika yehe Makile kabaluka mama Makile katune mal bandeko Dansa la tension Tatika sangi sangi Naba fera ya tanja sala na mbulo yo Linde asika yehe yeah. tika sangi sangi na ba fero ya tanja sala na mbulo yo to salinde asika ehe Tosito salamu, bobo, toya bobo. Mabenyo so, toza sala. Eko futa mawa nase. Atandele moninga nangai. Toko tunana awa nabeya mabena malamu. Tosito salamu, bobo. Pongila zuwa wapie, nako mituna pona nini Zoka libandeli ya bolingo, kasi nako banga koe visayo Loko la pena zalimo payao, poko banda nyo solo kuta Wana na mimi kuhuse Ozali Ozali Komba sukali na lole monangai, kutuna mose kotangao Pongila zuwa wapie, nako mituna pona nini Zoka libandeli ya bolingo, kasi nako banga koe bisayo Loko la pena zalimo payao, poko banda nyo solo kuta Wana na mimi kuhuse Ozali Thank you. Komba sukali na lole monangai Kutuna mose kutangao Pongi na zuwa wabie Na komitu na pona nini Zokali bandeli ya bolingo Kasi na kobanga koye bisayo Tokola pena zalimo payao Kukobanza nyo solo kuta Wana na mimi kuhuze ozali Bolingo ezali kosuwa angai Mwete opo yeba mama Maloba mazali kosonga na mongongo Mwete na sakule zaliteo Talanga na misombala moko na ndambwe Teo nimi rozali Bolingo ezali kosuwa angai Mwete opo yeba mama Maloba mazali kosonga na mongongo Mwaye na sakule zaliteo Talanga na misombala moko na ndambwe Teo nimi rozali Na chanson, ma gamboya qui ki se fe kana linga kate ngai mari jose na bota mana chanson makambo ya ki se fe kana linga kate Bota mana chanson, makambo ya ki se fe, kana linga kate. Ensemble, ngai Marie José, ngai pawa o, chanson lingi komeba o. Ensemble, ngai Marie José, ngai pawa o, akaba ki se fe, balingi se komeka o. Ensemble, emi Marie José. Seyo chasse camion hôpitano Azabio emi Marie José soani seyo chasse camion hôpitano I'm gonna go get some more. yaki Kokeba na bambula ya lele Kokobo ya bacheni ye likono ya miloba Kokisongi na mabala ya bato Ebebi singota na kaki yaki Kokeba na bambula ya lele Kokobo ya bacheni ye likono ya miloba Thank you.